Il est 21h, nous sommes le 21 octobre 2021, nous sommes sur Radio. Le jeudi soir à 21h, si vous avez l'habitude d'écouter les antennes de Radio à cette heure-là, ou que vous écoutez les antennes de Bram FM le vendredi soir à 22h30, enfin bref, si vous êtes en train de nous écouter, peut-être que vous nous écoutez en podcast, sur le Mixcloud de Radio, sur le Mixcloud de Vraiment Autre Chose, peut-être que vous êtes allé sur le blog de Vraiment Autre Chose, enfin bref, je pense que vous savez par quel biais vous avez amené ma voix à rencontrer vos oreilles, et ma voix ne sera pas seule, elle va être accompagnée de beaucoup de musique et beaucoup de camarades, puisque c'est l'heure de démarrer Vraiment Autre Chose. C'est parti, dans un instant, générique. Bonjour les petits enfants! Bonjour les petits enfants, et puis bonjour tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être à l'écoute de Radio, franchement ça fait plaisir, on est vraiment touchés, c'est vraiment autre chose, 186e édition, et nous sommes repartis pour encore un de nos hors-séries que le monde entier nous envie, en effet, la Nurse with Wound List, hein, vous voyez ce que c'est, je le raconte chaque semaine, je vais le faire très vite, hein, c'est une liste de 291 groupes ou musiciens ou musiciennes, liste qui apparaissait dans les deux premiers albums du groupe Nurse with Wound, liste qui depuis est devenue mythique des aficionados, aficionadas, collectionneurs et autres geeks des musiques avant-gardistes, progressives et expérimentales, la Nurse with Wound list. La BBC a consacré une émission de 4 heures à cette Nurse with Wound list, Audion Guide to Nurse with Wound list. Nous, à Radio, dans Vraiment Autre Chose, nous avons décidé d'y consacrer 50 émissions de 3 heures. Voilà, et vous écoutez la 18e émission consacrée à la Nurse with Wound list, ça s'appelle Au pied de la lettre, puisque nous attaquons cette liste par la lettre initiale du groupe musicien ou musicienne dont nous parlons et dont nous allons parler. Voilà pour la petite histoire et la grande histoire. C'est que, voilà, on est content, voilà, en général on est content dans cette émission. Et là on est d'autant plus content que je ne suis pas seul dans les studios. Déjà, il y a notre camarade Nico Bogertz, qui depuis l'Outre-Quiévrin, depuis sa Belgique natale, je ne sais pas si elle est natale, enfin du moins depuis sa Belgique, en tout cas, il nous envoie une petite chronique à venir tout à l'heure du groupe The Good Missionaries, car ce soir nous allons parler de groupes, de musiciens et de musiciennes à l'initiale de la lettre G. Et justement, qui dit lettre G, dit nous avons dans les studios l'ineffable, mais tellement ineffable que j'ai dû prendre un dictionnaire pour vérifier ce que ça voulait dire, et ça marche. L'ineffable, l'indispensable, il est le vraiment dans Vraiment Autre Chose, c'est Guénolé. Bonsoir Guéno. Ouais, salut Manu, salut tout le monde. J'ai bien vu le coup du G, Guénolé et tout, j'y avais pas pensé moi-même, comme quoi je l'oublie souvent ce prénom. Merci de le rappeler à l'antenne devant tout le monde. Eh ben écoute, c'est toujours un plaisir. Et puis t'es pas seul. Et là, pour le coup, on est d'autant plus content. La famille s'agrandit. Un nouveau camarade qui rejoint les studios. Tout à l'heure, c'était G comme Guénolé. Là, c'est G comme Jérôme. Bonsoir. Non, c'est J. Ah, c'est J. Ouais. Non, je sais, mais il y a G quand on le prononce. Non, mais là, ça commence mal. Non, mais c'est parce que ça commence très mal. J'y vais. Je prends. Ça, la licence poétique, ça. Non. Bonsoir. Bonsoir. Salut Jérôme. Eh ben merci de nous rejoindre. Bah avec plaisir, merci de m'inviter à Radio et à votre émission, c'est très gentil. Nurse with Wound list, tout ça, tu connaissais avant qu'on t'en parle? Pas vraiment, non. Enfin, je le nom de Nurse with Wound résonnait, mais la liste, pas du tout. Et c'est un peu descendre à la cave, quoi. Il y a un côté un peu d'archiviste qui est assez rigolo. Bah, c'est pour ça qu'on est sous terre actuellement d'ailleurs. Les studios. Sont géologiquement faits pour cette exploration, tentative d'exploration de la Nurse with Wound list. Peut-être pour ça qu'on parle de musique underground. Ouais. C'est tout, le thème est souterrain. Et ben c'est magnifique. Et ben sans plus attendre, nous n'attendrons pas une seconde de plus avant de laisser la parole à Guénolé, ou peut-être qu'on va peut-être annoncer rapidement le programme de ce qui nous attend. C'est Good Missionary, c'est Nico qui va nous en parler tout à l'heure. Jérôme, toi, tu vas nous parler des Glaxo Babies et du Grand Martin Circus. Non, du Grand Magic, Magic Circus. Martin Circus, c'est à mon avis, il va pas faire la liste. Ouais, non, mais il y avait des gens de Magma dans Martin Circus, je crois. Oui, je, oui, bah oui. C'est pas de bêtises, donc on va savoir. Quant à moi, je vais vous parler. De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler de John Greaves et Peter Blegvad et de l'album Q-Run, précisément. Et un petit peu plus tard, en toute fin d'émission, on parlera de Ragnar Grip. Je vous conseille de rester jusqu'au bout parce que ça va être très beau. Mais c'est Guénolé qui entame la danse avec. Avec Ron Giesing. Donc R-O-N-G-E-E-S-I-N. Ron Giesing, donc moi je connaissais pas du tout ce nom, donc bon, voilà, comme tout bon Pékin qui se doit, j'ai tapé ça dans un moteur de recherche et voilà, donc j'en ai su un peu plus et je viendrai, ça viendra plus tard dans la chronique, ce pourquoi ça m'a assez vite sauté aux yeux. Bon, j'ai écouté aussi l'album aussi en premier lieu qui m'a très vite interpellé. Donc c'est un musicien et compositeur britannique qui est toujours vivant, qui est né au début des années 40. Il a fait ses débuts en tant que musicien plutôt, dans le milieu jazz. Et ensuite sa carrière va à peu près se suivre trois voies en parallèle, quoi. Donc il va faire de l'impro et des perfs dans des divers lieux, plus ou moins underground. Il va faire la musique ou des thèmes de films et de télévision. Et il va également composer tout seul ou avec d'autres gens pour qui seront ensuite imprimés sur CD ou sur LP. Donc voilà, il y a un peu ces trois voies qui sont en y voyant après coup, on peut voir que c'est trois matériaux. Donc il y a la scène, il y a la musique de film, donc le visuel, et puis après il y a le CD, donc le CD qu'on met dans notre popote. Donc cet album là qui est sur la North with One List, il s'appelle As He Stands, comme il se maintient, je sais pas trop, qui est paru en 73 sur son label qu'il a créé pour produire ses musiques, cette troisième boîte dont je vous parlais. Donc ce label s'appelle Ron Giesing Products, donc voilà, c'est vraiment, on peut pas faire plus simple comme merchandising. Donc j'ai bien aimé cet album parce qu'on retrouve un peu ces trois voix. Donc c'est-à-dire qu'il y a vachement un peu de musique, de thèmes, de mélodies qui font un peu pub, un peu film, docu, film, tout ça, très très visuel. Il y a le support CD qui en tant que tel est une composition, donc fait partie de la troisième voix vu qu'il a paru sur son propre label. Et puis il y a des côtés un peu plus expérimentaux, on va dire, où il va même s'atteler un peu à la musique électronique. Donc je suis assez vite rentré dedans. Il y a une, je sais pas, 18 ou 20 morceaux qui dépassent pas les 3 minutes, et avec des petites séquences comme ça des fois qui vont couper, enfin entrecouper les petits morceaux. Et d'ailleurs, en regardant ce CD, là, j'étais sur Discogs, et puis je regardais les remerciements à la fin, et puis on a quand même vu des jolis noms. Donc il remercie notamment Pete Townshend, donc le guitariste des Who, pour qu'il a financé un peu, et qu'il a supporté moralement, enfin comment dire, moral support. Il y a John Peel, je ne connaissais pas. Alors c'est un journaliste, et un journaliste qui a fait animateur de radio, qui était très très très, très qui a impulsé beaucoup de choses dans la musique underground britannique, indé. Moi je connaissais pas, vous connaissiez vous peut-être? Oui, John ouais. Peel, c'est un peu celui qui a enregistré tous les groupes de fin des années 70 jusqu'à assez récemment. C'est un peu le grand-père de la scène, le papa de la scène indépendante depuis des années, des années. Ouais, et puis j'ai vu qu'il a fait émerger, des jeunes artistes, quoi, comme David Bowie. Il les faisait venir et enregistrer. En fait, il y avait des sessions live qui faisait. Il avait une émission une fois par jour, je crois, pendant une semaine. Toute la semaine. Donc il était assez connu quand même. Ouais. Ah bah, ouais. Y a beaucoup de groupes prestigieux qui ont sorti des Peel Sessions après. Enfin, des enregistrements justement faits chez John Peel et témoins de leur vivacité de l'époque. On pensera à Soft Machine, là, comme ça, qui me vient à l'esprit, mais il y en a tellement, tellement plein. Et enfin, voilà, du coup, c'était pour dire, bon, c'est quand même quelqu'un qui, en 73, est déjà un peu établi ou qui a une certaine renommée ou notoriété envers, dans ce milieu-là. Dans les remerciements aussi, il y a une petite blague assez drôle. Il remercie aussi BP, donc la British Petroleum, parce que qu'il se sert justement de deux musiques qu'il a composées pour un film documentaire, mais qui était financé par la British Petroleum, et du coup, ben voilà, d'accord. Donc les droits, quoi. Donc donc voilà, donc il y a ça aussi. Donc, mais bon, ouais. ça me fait sourire. D'ailleurs, on va écouter d'ailleurs Manu ces deux morceaux. Donc le premier morceau s'appelle Roll'em, Bowl'em, et le deuxième s'appelle Mr. Peugeot Trot. Thank you. Mr. Peugeot Trot, à l'instant, c'était Ron Gizin que notre ami Guénolé nous amène à découvrir, tiré de l'album Assistance. J'aime beaucoup, merci beaucoup. Ouais. Le premier morceau, là, il y avait vraiment trois moments très, très, très distincts, quoi, un petit peu comme des collages entre trois vignettes différentes. Tout l'album a cette couleur et cette façon d'écrire. Alors, bon, celle-ci, c'est la première de l'album, donc celle-ci particulièrement. Après, souvent, il y a des morceaux, c'est plus celui qui parle, qui est enregistré ou qui parle avec quelqu'un, ou un peu des collages sonores comme ça de voix. Celle-ci, elle est vraiment la plus caractéristique avec les séquences bien, bien distinctes. Sinon, des fois, ça peut être vraiment un thème qui revient un petit peu ou un timbre de son qui revient, qui va caractériser la chanson. Mais voilà, en tout cas, j'y pensais là, j'en parlais avec Jérôme, c'est qu'on a l'impression au final, c'est l'impression que j'ai, c'est que c'est un peu comme si toutes ces expérimentations, tout son travail de la première et la deuxième voix, ben, il avait plein de chutes, plein d'idées qu'il n'a pas pu mettre dans le documentaire tu vois, de la British Petroleum ou dans un autre truc. Et puis du coup, il se fait un peu des compiles de ses phases B à lui-même et qu'il essaye un peu d'agencer pour en monter un peu quelque chose de personnel, quoi. Ça, c'est une idée qui m'est venue en écoutant ça. Oui. Moi, ça me fait vachement penser à François de Roubaix. Parce qu'il y a pas mal d'albums de François de Roubaix qui sont des espèces de compilations de vignettes comme ça aussi. Et il y a un peu le même ton aussi, une espèce de... Je sais pas, quelque chose d'assez... Pas nonchalant, mais assez assez jeune, assez frivole, quoi. Ouais, un peu guiré mais un peu presque grave bientôt, je sens que ça va arriver. Ouais, ou l'échéance va arriver. Oui, il faut toujours un peu de drame, hein, dans l'histoire. Exactement. Mais après, on voit bien que c'est quelqu'un qui a fait de la musique pour des productions de films ou d'autres choses, que c'est clairement un format différent. Et que oui, qui est pas écoutable de la même manière que, enfin, c'est difficile. On reste souvent sur sa fin, quand on écoute ce genre de truc. Mais je sais que il y a beaucoup. Je reviens à François de Roubaix, mais il y a beaucoup de ces albums qui sont un peu des espèces de petits jingles comme ça, et on en veut plus, quoi. Ouais. Et là, c'est clairement. Oui, on voudrait que le thème qui nous a plu, qui a duré 30 secondes dans la chanson numéro 14, qui durait 8 minutes. Ah ben non, mais pourquoi tu l'as pas développé un peu plus? Et oui, bon ben Ron Gizin, il est encore vivant, donc vous pouvez lui envoyer des mails pour lui dire vas-y, développe le thème de Mr. Peugeot Trot ou l'autre celui d'avant. Bref, sinon oui, je vous disais au tout début de ma recherche, une investigation sur lui. Donc voilà, il y a 5 lignes sur Wikipédia en français, et voilà. Et là, sur quoi je tombe, c'est qu'il fait partie de... Il est co-compositeur de l'album Atom Heart Mother de Pink Floyd. Donc voilà, donc ça résonne assez vite en moi. J'aime beaucoup les Pink Floyd, mais je connais juste 3 albums, et il y a celui-là que j'ai découvert assez tardivement. Et alors, l'histoire dit que... Donc les Pink Floyd, ils étaient en train de composer, ils avaient enregistré cet album, mais ils n'arrivent pas à trouver un peu la fin de cet album, comment conclure, quoi. Et du coup, ils partent en tournée, je sais pas où, et ils filent ça à Ron Gizin pour dire vas-y, écoute, et amène-nous des idées, si jamais, quoi, si elles viennent. Et donc ils reviennent, et lui il arrive, il a tout écouté, il arrive, il a tout réarrangé, un peu recomposé, en rajoutant donc plein de mélodies, 10 cuivres, 20 chœurs et un solo de violoncelle. Et en fait, dans cet album, j'ai réécouté tout à l'heure, tous les arrangements orchestrales, on va dire, avec les 20 chœurs, les 10 cuivres et le violoncelle solo. Bah, c'est lui qui a rajouté ça après coup, qui a recomposé, agencé en fait tout ça pour, je sais pas, pour lui donner une espèce de saveur épique qui fait cet album pour moi, quoi. Bah ouais, j'avoue que pareil. Je suis assez féru de cet album, je l'écoute souvent et en plus en famille. J'ai la chance de cohabiter avec des enfants qui apprécient beaucoup l'album de La Vache. On met La Vache. effectivement, il y a ce côté épique, très, très, très grandiloquent, mais c'est surtout l'orchestration, je trouve, qui fait le sel de cet album. Donc tu m'apprends que c'est pas le fait des Pink Floyd eux-mêmes, mais de ce monsieur. Ben, et c'est sur la première chanson, que j'ai oublié de dire, sur la chanson de la première de 23 minutes, là, qui est décomposée en 6 séquences, pour le coup, c'est pas sur tout l'album, c'est sur la chanson éponyme de l'album. Mais bon, qui... Enfin, tout à l'heure, en réécoutant, j'entendais les Pink Floyd d'un côté, donc basse, batterie, clavier, tout ça, et l'arrangement avec les chœurs et les violoncelles qui arrivent, enfin bref. Je sais pas, c'était assez jouissif à écouter. On l'écoutera plus pareil, merci. Ouais, en tout cas, moi ça m'a fait ça. Et du coup, donc, il a pas mal collaboré avec Roger Waters, le bassiste de ce groupe là. Et voilà, je vous propose d'écouter juste une petite chanson qu'ils ont faite ensemble pour un documentaire qui s'appelle The Body, qui est un documentaire scientifique un peu sur la biologie humaine, et voilà, c'est juste un morceau que j'ai écouté tout à l'heure qui me paraissait assez chouette pour montrer un peu la cohérence qu'il a, puis l'étendue aussi. On entend le dernier souffle. donc je sais pas, c'est la première chanson de ce documentaire sur la biologie humaine. Donc on peut peut-être présupposer que c'était le stade postnatal où il y avait beaucoup de paix et d'euros. Enfin, c'est mon interprétation, après allez voir chacun. Juste pour dire aussi que ce compositeur et musicien, alors j'ai pas su quel instrument était son instrument de prédilection. Je pense que c'est le piano, parce qu'il revient très souvent dans tous ces trucs. Mais il a aussi pas mal tâté à la musique électronique. Et donc, voilà, dans les années 70, 80, et même encore aujourd'hui, il a toujours eu aussi ce parallèle entre musique jazz et puis très le clavier simple et dur, mais aussi la musique électronique ou bidouillée. Et pour vous montrer cela, je vous propose d'écouter ces deux suivants morceaux, dont le premier s'intitule Cymbal and Much Electronics, donc j'ai choisi vraiment comme il faut, et le second Looming Views. Thank you. Voilà pour ces deux morceaux donc étaient, qui faisaient qui montraient un peu plus la palette électronique que John Gissing avait à son arc. Donc voilà, il y a aussi quelques chansons un peu notre versant où il y a plus de palabres d'enregistrement de sa voix qui sont assez intéressantes. Sinon, que dire encore sur lui ? Il a sorti pas mal de trucs, il est assez prolixe, il a fait plein de collaborations, plein de musique, de films, donc il y a beaucoup de choses. J'en ai écouté qu'un petit brin, et ce brin, voilà, je l'ai partagé avec vous. Et juste pour finir, il y a ce morceau qui m'a interpellé, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière chanson de cet album « As It Stands ». Ça s'appelle Can't Stop That Thing, et du coup je me suis dit, ah, ça me fait penser un peu à cette Nurse With Wound List là, quand est-ce qu'elle s'arrête, on peut pas l'arrêter, mais non, ce hors série est sans fin, donc voilà. Et puis en plus c'est un peu guiré, tout ça c'est bien pour clore tout ça. Allez. Voilà, c'est mon tour. Alors moi je vais vous parler d'un groupe qui était étonnamment sur cette liste, je sais pas si on m'entend bien, qui était étonnamment sur cette liste parce que voilà, étant néophyte à la Nurse With Wound list, j'ai vu ce nom jaillir sous mes yeux et je me suis dit mais en fait je l'ai déjà. Et j'avais cet album parce que j'avais eu une frénésie à un moment pour télécharger des albums de choses pour enfants, en gros, de la musique pour enfants, qui est pas facile à trouver, honnêtement. Enfin, des trucs de qualité, c'est compliqué. Et donc, voilà, c'était donc, le Grand Magic Circus avec un album qui s'appelle Le Grand Méchant Cochon et les Trois Gentils Petits Loups. Alors, quand on voit ça, déjà, ça donne envie. Hein, ça fait, ouais, on se dit tiens, une petite, un petit truc à l'envers de contes qui sont à ma foi des fois un petit peu fatigants à lire. Une petite parenthèse que je ferme. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc qui fout sur la, la Nurse With Wound List et en fait, je me suis un petit peu renseigné. Et ça, c'était même avant d'écouter ce que j'avais sur mon ordinateur déjà. Donc, et je me suis rendu compte que c'était le nom de la troupe de Jérôme Savary. Jérôme Savary, homme de qualité, parce qu'il d'abord, il a le même prénom que moi, donc forcément, ça peut être que quelqu'un de bien. Et ensuite, quelqu'un d'assez, d'assez établi dans le monde du théâtre en France, etc. Je crois qu'il a été nommé directeur du théâtre de Chaillot, je crois, par Monsieur Président. Mitran, tonton, pas n'importe qui. Hein. Le fossoyeur. Et donc, je me suis un petit peu renseigné sur qu'est-ce que c'est que le grand Magic Circus. Alors donc, c'est quelles sont les incointances que pouvait avoir le grand Magic Circus avec Nurse With Wound. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se sont croisés un jour comme ça, il y avait, je sais pas, la fête du pâté à Bristol, je sais pas, bref. Et donc, c'était un petit peu bizarre de faire le lien entre les deux. Et puis, en me renseignant un petit peu sur la pratique du théâtral et du spectacle de la troupe de Jérôme Savary, j'ai trouvé que c'était pas très loin de ce que fait Nurse With Wound. Déjà, je vais faire une petite historique du grand Magic Circus. Qui a commencé à l'origine en 65 par un spectacle qui a eu lieu à l'hôpital psychiatrique de Bourges, quand même. Bon départ, hein, on se dit là on tient un bon truc, là on y va, et qui ensuite s'est formé, s'est appelé le Grand Théâtre Panique, je crois. Si mes notes sont bonnes et si je peux les lire correctement, et qui faisait une mise en scène d'Arabal, donc auteur argentin, parce que je ne savais pas non plus que Jérôme Savary était né en Argentine. Voilà. Oui, je sais. Grand choc, oui. Né en Argentine, qui avait vécu à New York et puis qui est venu en France après et qui a fait Super Dupont. Enfin bref. Voilà, c'était le premier spectacle qui a eu lieu à Vincennes et à Bruxelles. Donc déjà, petite tournée internationale hein, quand même. Le mec balèze. Et donc, le grand théâtre Panique est devenu le grand cirque Panique. Ils ont commencé à tourner justement à Londres, donc je me dis tiens, et peut-être voilà. C'est ensuite devenu le Grand Panic Circus, on a traduit, on a tout mis en anglais. Le Grand Panic Circus est devenu le Grand Magic Circus, hein, parce que la panique ça fait un peu comme Monique, et bon, c'est pas terrible. Pardon pour toutes les Moniques qui écoutent. Et donc, ça fait peur surtout la panique. Hein, voilà. Et puis c'est devenu aussi un peu encore plus tard le Grand Magic Circus et ses animaux tristes. Donc déjà, oh! Il y a de la magie, mais c'est un peu triste aussi. Voilà. Et donc, qu'on crée des spectacles assez intéressants, d'après ce que je peux en lire, parce que j'en ai pas vu beaucoup, étant donné qu'il est mort et que bon, je vais pas tellement au théâtre. Le premier spectacle qu'ils ont créé à Toronto, donc au Canada, donc bonjour les Canadiens, s'appelle Zartan, le frère mal aimé de Tarzan. Donc c'est plutôt drôle déjà, on se dit oh mais c'est quelqu'un intéressant. Et puis ils ont fait le tour du monde avec ça, ils ont continué jusque ça va jusqu'à 72 hein, où ils ont fait une tournée internationale à Rome, ils ont fait des interventions dans les rues pendant les JO de Munich, ils ont été à Berlin, à Londres, à Grenoble, donc déjà balèze. Et ensuite ils ont créé des spectacles assez intéressants, ils ont fait des films. Alors déjà le nom des spectacles et des films ça donne envie, il y a Cendrillon et la lutte des classes, Le boucher, la star et l'orphelin, de Moïse à Mao, 1500 ans d'aventure et d'amour. Donc voilà. Et en fait en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte que il y avait pas mal de gens qui traînaient à ce moment-là autour de cette troupe, dont Copy. Alors je sais pas si vous connaissez Copy, mais alors lui il a fait plein de trucs aussi, hein, mais c'était surtout un dessinateur qui a fait de la presse, il était dans Charlie Mensuel, il est argentin, mais il a fait aussi des spectacles et des films. Il y avait Topor qui a participé à ça, il y a eu Gottlieb, donc déjà la liste s'allonge, on se dit oh, c'est intéressant. Et donc voilà, c'était une espèce de mélange entre le cirque, le théâtre, les interventions dans la rue, c'était du grand spectacle en gros. Et donc je me suis dit, la chose en commun des deux, c'est que voilà, ils essayent de casser un peu les trucs et rendre les choses un peu plus intéressantes, surtout que Je pense qu'en 1970, c'était pas folichon non plus la vie. Hein. Ça devait pas être joli, joli toujours. Enfin, ça, on devait pas se marrer tout le temps. Une période assez, assez dure aussi socialement. Et puis en 1974, vient un disque chez Savara. Savara, label de Pierre Barou. Formidable label d'ailleurs. Donc. Pierre Barou, si tu nous écoutes. et pourquoi, alors, la question que je me suis posée, mais pourquoi un disque de théâtre, de spectacle, sur un label comme ça, qui fait surtout de la chanson française, de la bossa nova, enfin des tas de trucs un peu intéressants. Et bien, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup produit de disques. Ils avaient autoproduit des disques de spectacle. Ils, avaient, ils en ont fait 4 ou 5. Ils ont même fait des singles, on va dire, ou des 7 inch. Et donc, voilà, il y avait un intérêt à élargir un peu le champ en utilisant le matériel enregistré pour les spectacles aussi. Alors, moi, je ne sais pas exactement s'il y avait, avec ce disque, des textes ou des choses un petit peu illustrées à l'intérieur ou quoi. En tout cas, la couverture est assez chouette. Même si je la trouve un... Elle est bien datée des années 70 quand même. Dans le sens où c'est... comment expliquer ça ? C'est joli et moche en même temps. Voilà. Ça, on va expliquer ça comme c'est, ça. C'est bien dit. Voilà. Donc il y a un côté un petit peu grassouille, quoi, un petit peu déplaisant. C'est quelque chose de gentil, mais un peu déplaisant en même temps. Voilà, c'est comme ça que je... je qualifierais. Et puis donc le thème aussi, le grand méchant cochon et les gentils petits loups. Alors on se dit pourquoi faire ça à l'envers, et visiblement c'était un thème qu'ils ont fait dans plein de spectacles où ils ont changé les choses. Ils ont rendu ça un petit peu intéressant, justement en donnant un grand coup de pied dans des choses un petit peu établies qu'on donnait aux enfants à écouter. Honnêtement, le disque lui-même est pas fou. Il y a des morceaux qui sont assez rigolos, mais j'ai pas encore fait subir le disque entier à mes enfants. parce que ce serait compliqué déjà là, parce qu'il y a quand même un morceau de 10 minutes, je crois. Il y a des petits trucs assez rigolos. L'intérêt de ce disque, c'est que, enfin, c'est pas le seul, hein, mais il y a un petit gimmick comme ça où le disque commence par un morceau et finit par le même. étant donné que mais ils sont légèrement différents, donc je crois que le premier dure 3 minutes et j'ai cru entendre d'ailleurs tout à l'heure quelque chose qui venait de là, et puis le dernier est un petit peu plus court et c'est une façon de dire au revoir aussi aux enfants sur le disque, c'est assez rigolo. Mais moi j'ai décidé de vous faire écouter le deuxième morceau parce qu'il est assez court. Et puis il est assez rigolo en fait, donc voilà, c'était ce que je voulais vous faire écouter. Moi j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le Grand Magic Circus. Ils ont continué à exister jusqu'à assez tard. Je crois que monsieur Savary est mort en 2016 si je me trompe pas. Il y a donc eu, oui, ce truc improbable d'une adaptation de la BD de Gottlieb, Super Dupont, qui est, bon, qui est drôle, hein, mais c'est pas son meilleur boulot non plus. Mais moi j'ai vu un clip de Lina, sur Lina, pardon, d'un spectacle où il faisait présenter le spectacle chez Drucker, et c'est un spectacle avec Alice Sapritch. Donc déjà c'était à un niveau, c'était vers 85, donc déjà c'était un petit peu passé du côté on va casser les barrières, on va un peu faire des trucs moyens. bref. Et puis après ils en ont fait d'autres, mais j'ai pas très peu de spectacles filmés. C'était surtout je pense que l'intérêt de ces spectacles c'était de le vivre en d'expérimenter en direct et de voir tout ce qui se passait, parce que c'était quand même assez fou, hein, visiblement. J'ai entendu, il y a une l'émission à voix nue sur France Culture de son ex-femme, enfin sa femme, et qui elle a joint la troupe comme ça, pareil, dans les années 70, qui elle était stripteaseuse et qui en fait décrit le truc comme lui il est venu la chercher. Elle s'est pointée à une représentation, enfin là où elle bossait, et puis il a pas dit grand chose, il a dit tiens venez machin et tout, et elle a joint la troupe comme ça, ils ont fait des films, enfin c'était assez fou quoi, l'espèce de côté un petit peu on embarque un peu n'importe qui, on part, il y avait vraiment un côté saltimbanque bohémien assez fort quoi, et c'est peut-être un peu atténué après une fois qu'il s'est établi, je sais pas, mais voilà, en tout cas, de ce que je peux dire de cet album, c'est qu'il est extrêmement daté, mais qu'il y a quand même des trucs assez rigolos dedans, et dans ce morceau, voilà. Il était une fois un grand méchant cochon qui était tellement grand que s'il avait une trompe, il aurait été aussi grand qu'une vache. Et si méchant que rien que d'en parler, j'ai déjà peur. Ah tiens, justement le voilà. Oh là là. Mais c'est le grand méchant cochon qui arrive. C'est moi le grand méchant cochon. Où sont les trois gentils petits loups? Que j'en fasse du saucisson, de la soupe ou bien du ragoût? C'est moi le grand méchant cochon. Où sont les trois gentils petits loups? Que j'en fasse du saucisson, de la soupe ou bien du ragoût? Un vrai cochon, ce cochon, hein, les petits enfants? Et ce grand méchant cochon était tellement vache qu'il n'arrêtait pas de faire des vacheries aux trois gentils petits loups. Bonsoir, les petits enfants. Ouais. Faut parler comme si t'allais vomir. Et ça, c'est un gimmick qui revient tout au long de l'album. Ouais. Là, c'est la voix, c'est le grand-père là que vous entendez là, parce que c'est le grand-père magique. C'est lui qui. C'est lui qui s'amuse à détourner les fables, à raconter n'importe quoi. Le fil conducteur. Aux petits enfants. Ouais, presque. Ouais. Le narrateur, c'est une petite fille qui est narratrice, ou un petit garçon d'ailleurs. C'est pareil, on n'arrive pas trop à distinguer les voix. Mais après, je te rejoins, c'est un album qui n'a pas un grand, grand intérêt à l'écoute. On ne va pas le recommander particulièrement. La pochette est assez dégueulasse. Mais après, je sais que Stephen Stapleton était un peu du genre à choisir les albums par rapport aux pochettes, déjà, quand il ne connaissait pas. Donc, c'est peut-être ça qui l'a interpellé, parce que... Ouais, non, peut-être qu'ils se sont rencontrés. Hein. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Hein. Je pense qu'il a dû aller à un spectacle et voir. Il y a vraiment eu une rencontre, à mon avis, parce que c'est tellement français, en plus. C'est vraiment. Je pense que pour quelqu'un qui vient d'Angleterre et qui est un petit peu érudit, qui s'intéresse un peu, ça c'est truc français quoi. C'est baguette fromage quoi. C'est voilà quoi. Ouais, c'est clair. Et puis musicalement, il y a pas le moindre petit bidouillage, genre de truc fréquent qu'on retrouve dans les autres groupes de la liste et qui interpelle Monsieur Stapleton. Là pour le coup, c'est direct. Mm. C'est vrai que c'est très surprenant de voir ce groupe dans cette liste-là, mais je crois que t'as assez bien expliqué tout à l'heure, quoi. C'est juste que, à leur manière, ce grand magique circus défonçait certaines barrières. Ouais, pas forcément celle des musiques, mais je serais curieux de savoir s'il y a d'autres trucs qui sont enregistrés et qui sont d'un autre champ artistique qui pourrait rentrer dans cette liste-là. Justement, est-ce que c'est juste de la musique? Parce que voilà, le truc de Northwest Wind, c'est de casser un peu les barrières et. Et est-ce que ça fait pas partie de ça justement quoi? On a eu une troupe de théâtre, le Chêne Noir, mais pareil, pour le coup, il y avait vraiment une grande musicalité, il y avait des musiciens sur scène, c'était quelque chose d'assez free, d'assez expérimental au niveau des textes et au niveau de la musique. Là, c'est pas vraiment le cas. Je suis curieux, je sais que ça varie de son côté, a tenté et fait des fois des choses un poil plus expérimentales que ce qu'on vient d'entendre là. Ouais. Donc peut-être que c'est pour l'ensemble de son œuvre que. Je sais pas, mais il semble que ça varie, ça tend plutôt vers ce qu'on appelle le musical en France, quoi, en français. Quoi. C'est-à-dire un espèce de mélange un peu de plein de trucs, mais. Ouais, je sais pas, j'ai pas entendu de trucs musicaux du grand Magic Circus. Qu'il soit si génial. Après, je sais pas si tu l'as dit en tout début, comme tu le répètes à chaque fois, c'est que Steve Stapleton et son comparse, dont j'ai oublié son nom, John Fogerhill, merci, sont évertués ouvertement à dire que la liste ne dressait pas le portrait juste de musicien ou de musicienne. Et c'était vraiment, enfin c'était ça, non, eux se considéraient pas comme musiciens et musiciennes, et également dans leur liste, c'était vraiment, voilà, pour dire que ce sont des personnes qu'ils ont vues, qu'ils ont arpenté, enfin j'imagine même pas le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, et toutes les micro-scènes qu'ils ont dû voir, le nombre de concerts qu'ils ont vus doit être assez vertigineux, et du coup peut-être qu'ils les a vus une fois, comme ça, il s'était réveillé, je sais pas, avec. Il devait garder sa nièce, il allait voir ça avec sa nièce et ça l'a marqué. Et il l'a mis sur la liste. Enfin, je sais pas si c'est. C'est peut-être plus la démarche que la musique qui est soulignée par la présence. Oui, et puis que lui qui l'a marqué en fait. Et du coup, il a tenu à montrer, à mettre cet album dans cette liste parce que ça l'avait marqué à un moment donné, à un endroit donné, quoi. Ouais. Enfin, si j'ai rajouté un truc, c'est qu'ils sont un petit peu compulsifs quand même sur la liste, les petits gars, parce que ça fait beaucoup d'albums quand même. Ça fait beaucoup d'albums. Après, les albums, c'est nous qui faisons le choix, hein, pour le coup. Oui, oui. Non, mais il y a pléthore, quoi. C'est un truc. Parce que si on s'arrête en plus à une période donnée, c'est un truc assez affolant, quoi. Ah, mais c'est clair. Mais c'est... Ouais, non, on n'est pas affolé, on n'a pas peur. Et on continue d'ailleurs l'exploration de cette liste. Et là, moi, on va laisser la parole à. Mais courage, il te reste plus que, d'après mes calculs, 33 émissions avant d'arriver au bout. On pensait finir par une spéciale Zappa, mais on Can't verra. Stop That Thing. Ouais, mais ça s'arrêtera jamais. Après, on fera les listes actuelles. Il y a une BD qui est sortie là récemment qui s'appelle Underground, si je dis pas de bêtises. Je n'aurais pas cité les auteurs. Nicolas Lecouef, je crois que c'est le nom du dessinateur, mais je vais peut-être dire une connerie. Toi qui es plutôt amateur de BD, t'as peut-être entendu parler. Ça parle de quoi exactement ? De musique, justement. C'est des gens qu'on retrouvait dans le Fluide Glacial, mais j'arrive pas à les citer, donc c'est un peu idiot de citer une œuvre sans citer les auteurs. Mais c'est tout un album qui s'appelle Underground et qui est dédié justement à des artistes qui n'ont pas eu à leurs yeux assez de lumière et donc ils parlent de la démarche. On va retrouver Captain Beefheart, mais aussi Eliane Radig et des gens un petit peu plus obscurs, enfin moins qui ont moins marqué l'histoire de la musique grand public, si j'ose dire. Je sais pas que Beefheart c'est grand public, mais c'est un nom qu'on commence à connaître. Tout ça pour dire que cette BD, justement, les deux dernières pages, c'est une copie de la Nurse With One List où ils ont mis les noms pour eux de maintenant. Ils ont refait leur propre Nurse With One List, en fait. La Underground List. Avec des groupes actuels, qui sont tout aussi obscurs que pouvaient l'être certains groupes de la Nurse With One List. C'est vraiment pas des gens qu'on va entendre top 50. Il y a même très, très peu de ces musiciens-là qu'on est passé, nous, dans notre émission. C'est vraiment. Et ça donne envie de creuser. Donc voilà, c'est dire si des émissions sur la Nurse With One List, on pourra en faire. Non, Manu, on va pas faire un second hors-série sur cette BD, là. Et là, je te vois venir. Il est presque 22h et on a à peine parlé de deux groupes, dont un dont on a écouté qu'un morceau, donc on est sur un bon rythme de croisière de vraiment autre chose comme d'habitude, hein. C'est une émission musicale. On va laisser la parole à notre ami Nico Bogert depuis la Belgique, hein, depuis Radio Panique. Il peut pas être des notes ce soir, mais il a eu la gentillesse de nous enregistrer une chronique autour du groupe The Good Missionaries. Comme vous le verrez, il y a quelques accointances et points communs avec Alternative TV dont nous avait parlé Inès à toute première émission de Au pied de la lettre. Alors, mon ami Nico, c'est à toi la parole. Hello, toutes et tous. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous ce soir. Je suis actuellement sur la route en France en tant que missionnaire de la musique belge. Heureusement, j'ai pu trouver un peu de temps pour enregistrer une chronique sur The Good Missionaries. C'est un groupe qui apparaît deux fois dans la liste. Inès, il a déjà fait attention de la lettre A. Elle a été emballée par le chanteur Mark Perry. Sa façon inhabituelle de chanter chez ATV, Alternative TV. Aujourd'hui, je fais l'attention sur un seul album. Il s'agit Fire From Heaven. Je n'avais pas compris qu'il s'agissait de la même groupe jusqu'à ce que Mark Perry de ATV lui-même me le disait plus tôt de l'année. Le nom de Good Missionaries a été utilisé pendant une période de 6 mois car la musique de ATV évoluait de manière assez expérimentale et n'était pas toujours compris par le public. Nous allons écouter une première piste de la magique album Fire From Heaven qui s'intitule Release the Natives. So release the night. chips, release the night chips, release the night chips. C'était The Good Missionaries de leur album Fire From Heaven, sorti en 79, avec le morceau Release the Natives. Bien sûr, il n'y a personne de mieux que Mark Perry pour expliquer comment ATV est devenu The Good Missionaries. Elle est tirée d'une conversation beaucoup plus longue avec Mark Perry, qui peut être écoutée dans son intégralité via le podcast Radio Panique de l'émission de Mark Rilslaw du mardi soir. La conversation commence par la façon dont ils ont tourné ensemble avec Here and Now et comment ils ont évolué de ATV, donc Alternative TV, à Good Missionaries. Here and Now, la scène gong, Space Rock, l'a invité à faire une tournée avec eux, une rencontre avec un public très différent, la scène hippie qui est plus accueillant, des événements gratuits, une attitude très différente de la scène punk de Londres qui était très violente. Cela a eu une très grande influence sur la musique et l'attitude de ATV. Le grand rôle des divers instruments et des caractères expérimentaux était trop difficile pour le public et ils ont donc changé leur nom en The Good Missionaries. Mais après 6 mois, ils sont redevenus ATV, Alternative TV. And then there was also the opportunity for you to do a tour together with Here and Now. So some other kind of style of music. There were some people of gong inside of it. How did you came in contact with those people and how did that tour happen at that time? Well, I first met the people from Here and Now, as you say, they used to be Planet Gong. They came out of that gong scene, you know, that David Allen scene, all that hippie sort of space rock type thing, as we called it in those days, you know, space rock. But they came to one of my gigs, a couple of people from Here and Now, Kif Kif and Anno, and they asked, because they were really into alternative TV, they were really into the band. I think they could see we were different, you know, and they asked us if we wanted to go on a tour. And so I thought it'd be a good idea to get out of the punk scene and to play music to a different audience, because their audience was more like students, you know, hippies, that type of thing, you know, the vegan sort of hippie festival crowd. And so we went on the tour. This was like the summer of 1978. We played places like the Stonehenge Festival and all the universities in London, you know, to the students and that. And it was all free. You didn't have to pay to get in. So that was one of the things that excited me about it. It was, you know, people didn't have to pay lots of money. They could just turn up for nothing. So, yeah, it was good. When you were inside of this family, hippie family, I can imagine it was a completely other attitude than the punk scene. Yeah, it was less aggressive. It was more welcoming. You know, there was less hassle because, like a lot of places, the UK, the punk scene, it did bring a lot of aggression. You know, the skinheads turned up, people like the National Front, you know, the fascists and all that. Sometimes there started to become a lot of violence at punk gigs. So the scene was quite, it became a bit boring for that, you know, where this other scene, these other people, these hippies, the Here and Now people, they were much more peace-loving. And what they were interested in is creativity. You know, they weren't interested in having a punch up. They were just interested in making music, making art, putting on gigs, you know. And, you know, that's why what led me into that scene, you know, rather than the sort of the aggressive punks, you know. How did that influence the music of ATV after that? Yeah, very much so. I mean, my favourite ever, well, hopefully you'll play this one, my favourite ever ATV record, Alternative TV record, is The False Is Blind, which is our last single, our 1979 single. And that's about that scene, you know, that's about the police turning up at a festival and stopping the festival and breaking all up. And I wrote this song called The False Is Blind about that, you know. So I think it did have an influence. I think my music became a lot freer. You know, I started using violins and clarinets and stuff and putting all these other things into the mix. So it did definitely influence on what I was doing, you know. And did that also give kind of implication on the music of ATV? What I mean is not only on the music, but also on the audience, because they were still inspired still by the punk scene, but it's another attitude of playing, so... It did cause a lot of problems. I mean, because it's one of the reasons why we ended up changing our name. Because we went on tour with, after the Here and Now tour, our next big tour was with a band called The Pop Group, who were like a sort of Bristol post-punk band, brilliant band. And we went on tour with them. And a lot of, as we went on tour around the UK, you know, we played all sorts of places in the UK, a lot of the audience expected Alternative to be a punk band, you know. So, but by that time, but we were sort of going on stage with violins, saxophones, you know, it was experimental. And we were doing a lot of improvisation. And of course, a lot of kids were turning up expecting to hear Action Time Vision, you know, How Much Longer. They expected to hear punk rock, basically. So it didn't go down too well. We had a few incidents where we had stuff thrown at us, and now beer bottles were thrown. You know, there was riots. You know, one gig we played at Greenwich Theatre, there was a riot where the people invaded the stage, and you know, gear got smashed up and that. So it did get quite aggressive. You know what I mean? Because of the music we were playing is not what they expected. So what we did is we ended up changing our name to the Good Missionaries. You know, that's why we changed our, look, we're not Alternative TV anymore. We're not going to play that old stuff. We are now the Good Missionaries. It was a way of telling people that we changed. Yeah, because at that time, in the beginning, it was, I think there were one or two cassettes where it was indicated Alternative TV and the Good Missionaries. But then there came the album Fire from Heaven. Fire from Heaven, yeah. That's a wonderful album. Yeah, that captures what our music was like on that pop group tour. You know, it was very free. But it's the same band. I mean, it's still Alternative TV. It's just a different name. That's all the only difference. You know, because we actually changed back to Alternative TV just after that. So it didn't. The Good Missionaries didn't last for long. I mean, Good Missionaries only lasted about 6 months. Nous vous laissons en profiter un peu plus avec une deuxième pièce de l'album Fire from Heaven de The Good Missionaries, et c'est la piste de Radio Story, Strange Looks. Night. I lay next to my baby. about our flesh. Strange fantasies of cannibalism. Heavy now. And I enter. I enter in the morning. And I enter at lunch. And I enter in the evening. And I enter at night. She went down on me. I spat her out, because I'm superior. She reformed on the floor, and I hit her again. Oh yes, I hit her. I hit her. I shook myself out of this hazy dream. I didn't know I could do something so obscene. I turn over to kiss my lovely, lovely wife. Really? I found out I just spat out her life because I just hit her. Oh yes, I hit her. I hit her. Oh yes, I hit her. I hit her in the morning. I hit her at lunch. I hit her for dinner and supper. They took me from my flat and they locked me far away. People say I'm crazy, but I think there's no way. And all I do all day is sit by the window overlooking the little lake. And I read piles of books and get very strange looks. Strange looks. I read piles of books and get very strange looks. Oh yes, I read piles of books and get very, very, very strange looks. I read piles and piles and piles and piles and piles of books and get very, very, very, very, very, very, very, very, very, very strange looks. Strange looks. Strange looks. I still like it. Strange looks. Strange looks. Strange looks. Strange looks. Il est 22h14 sur Radio Radio. Vous écoutez vraiment autre chose. Pardon, mes excuses. Il est peut-être aussi 23h45 sur Bram FM. Là, si vous nous écoutez, c'est nos amis de la Corrèze. Voilà. Ou alors, il est. Si vous écoutez par le biais des podcasts, il est exactement l'heure qu'il était quand vous avez commencé à écouter, plus une heure et quart de plus. Ouais, ça fait une heure et quart d'émission. Et là, à l'instant, c'est notre camarade estimé Nico qui vient de nous chroniquer, présenter le groupe The Good Missionaries. C'est à moi qui ai choisi la responsabilité. Voilà, qui ai choisi le G de d'attaquer la suite. Ouais, le G. Mais justement, parlons-en du G. Parce que du coup, le musicien suivant est un binôme de musiciens. Qui est quand même assez surprenant. C'est la première fois qu'on tombe là-dessus dans la liste, puisque le nom suivant, c'est John Grease, Peter Blechvad, les deux. Les deux associés apparaissent sur la liste comme ça, collés l'un à l'autre, à la lettre, enfin non, par ordre alphabétique, à la lettre G, donc comme John Grease, ce qui est assez surprenant. C'est la première fois qu'on tombe sur un binôme de musiciens, donc on est en droit de se dire, mais pourquoi ce sont deux musiciens qui ont chacun une carrière assez intéressante, pourquoi les citer en binôme? Ils n'ont jamais vraiment travaillé en binôme, enfin, deux musiciens qui se sont rencontrés au sein d'Henry Cow, enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, enfin, en tout cas pendant la période où le groupe britannique Henry Cow, c'est fou, on en revient toujours à eux à un moment ou à un autre dans l'émission, on est toujours obligé de citer Fred Frith. La vache, la vache. Toujours la vache, c'est vrai que la vache revient. Il y a eu un moment où Henry Cow, à partir du, je crois, troisième album, si je dis pas de bêtises, fusionne avec un groupe allemand, à la fois allemand et anglais, de pop avant-gardiste qui s'appelle Slap Happy. Et pour sortir deux albums qui sont d'ailleurs de véritables merveilles, Desperate Straits et In Praise of Learning, qui est un album vraiment, vraiment magistral. C'est comme ça que ces deux musiciens se rencontrent, mais c'est pas pour cette raison-là, je pense, qu'ils sont cités dans cette North Wizard List. C'est probablement pour le Q-Rone, un album qu'ils ont composé effectivement tous les deux. Mais là, voilà, c'est là où je proteste, parce que cet album, il est sorti chez Virgin, mais il n'est pas crédité John Grease et Peter Blechvad, il est crédité John Grease, Peter Blechvad et Lisa Herman, qui est la chanteuse principale de l'album. Sur la pochette de l'album, il y a bien les trois noms, et je ne sais pas ce qui a pris à Steve Stapleton de squeezer le nom de cette dame. Il a gardé de son côté musicien, comme quoi il était plus musicien que ce qu'il voulait nous faire croire. Il a gardé le nom des compositeurs, mais il n'a pas gardé c'est cet album-là forcément dont il voulait parler, parce que c'est vraiment la seule collaboration avec ces deux individus-là, pas au sein d'un groupe, qui a eu lieu avant 79. Donc c'est très clairement, et puis on va l'écouter tout à l'heure, il y a musicalement, ça a du sens que cet album apparaisse dans cette liste-là. Mais petite protestation de ma part, là, s'il y avait Steven Stapleton devant moi, je disais, mais pourquoi t'as sauté le nom de Lisa Herman? Autant mettre les trois noms. Certes, elle n'est pas compositrice, mais cet album est signé de ces trois mains-là. C'est comme ça que c'est présenté sur la pochette. C'est comme ça que... Voilà. Oui, c'est vrai. Je me fais une petite protestation. Si je peux me joindre à toi, j'étais un petit peu colère quand je l'ai vu aussi. J'étais un petit peu colère. Hyper rageant. Donc je vois qu'une seule explication, c'est qu'autant sur la pochette, il y a les trois noms, c'est comme ça que c'est présenté, autant sur le catalogue du label Virgin, là, il n'y a plus que les deux messieurs qui apparaissent. Bon, c'est vrai qu'on est, à l'époque, et encore toujours de nos jours, dans une société où on met quand même souvent beaucoup plus en avant les messieurs. Bon, vous me direz, c'est les deux compositeurs, certes, mais encore une fois, si Lisa Herman apparaît sur la pochette, c'est qu'elle a joué son rôle dans l'histoire. Il y a la composition et il y a ce que ça devient quand on l'enregistre. C'est pas toujours forcément pareil, c'est là où des musiciens ou des chanteuses, en l'occurrence, peuvent apporter leur grain de sel. Bref, bon, ça c'est pour le petit préambule, mais on va quand même parler donc de ce Q-Rone. Comme je vous l'ai dit, donc c'est né de la rencontre de ces deux musiciens-là. Donc ils se rencontrent quand Henry Cow et Slap Happy fusionnent pour devenir d'ailleurs un groupe expérimental 100% mixte avec trois musiciennes et trois musiciens. Et encore une fois, faut vraiment. Bon, Henry Cow, c'est lettre H. On va pas tarder à y venir. Donc je vais pas donner d'avant-goût, mais bon, ces albums-là, In Praise of Learning. Enfin, surtout celui-là et Desperate Straits, c'est vraiment des albums à écouter. C'est vraiment la phase où la musique d'Enrico est de plus en plus expérimentale, les paroles de plus en plus politiques, engagées et rageuses. Et c'est vraiment un petit bijou. Bref, bon, je sors du hors sujet, donc il y a ces deux albums qui se font, et ensuite, fin de la fusion, Enrico poursuit sa carrière dans son coin, d'ailleurs pas très longtemps, parce qu'ils vont eux-mêmes splitter pour devenir Heartbirds, etc., mais c'est une autre histoire. Heartbirds, dont on avait parlé d'ailleurs, voilà, c'est pour les gens qui suivent depuis le début, là, il y a vraiment un fil conducteur pour ceux qui ont suivi toutes nos émissions. Toujours est-il qu'on se retrouve en 1975, quand les deux groupes, la fusion entre les deux groupes n'est plus, et Peter Blegvad part vivre aux États-Unis où il gagne sa vie comme illustrateur et entre autres pour Peanuts. Donc là, je t'ai senti tiquer quand je t'ai dit ça tout à l'heure, Jérôme, c'est ce que j'ai lu. Apparemment, il a fait un peu des illustrations pour Peanuts. Alors, non, c'est des bêtises, c'est des bêtises. Ce sont des bêtises. Faut pas croire tout ce que Wikipédia met. Non, non. D'accord. Okay. Non, Peanuts est l'œuvre entière de Charles Schulz. Et personne d'autre. Ah ouais, il n'a pas délégué comme... Non, c'était un script qui s'appelait Peanuts avec Snoopy, machin. Vous voyez les chaussettes et les machins partout maintenant chez CEA. Mais c'est l'œuvre unique de Peter Schulz, qui d'ailleurs en est mort. Il a fait que ça toute sa vie. Heureusement, il y avait Bobon qui lui faisait la bouffe parce qu'il faisait rien d'autre, quoi. Mais le truc, voilà, c'est que lui. Après, je sais pas, Peter Blegvad, je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, il avait un script dans le Guardians, le journal de gauchiste anglais, mais voilà. Après, je sais pas ce qu'il a pu faire aux États-Unis. Ok, bah y aurait beaucoup de choses à raconter sur Curon et je vais pas manquer de le faire, mais déjà là, histoire de pas trop teaser, on va s'écouter un petit peu de musique. C'est compliqué de définir la musique de cet album-là. Je me suis amusé moi aussi, comme on fait assez souvent quand on prépare ses chroniques, à fureter un peu sur des blogs à droite à gauche. Et ce qui est assez marrant avec cet album-là, c'est que quand tu tombes sur un site plutôt orienté free jazz, va dire bon ben voilà, c'est un album phare du mouvement free jazz. Si tu tombes sur un site de rock progressif, on va dire que c'est un monument du rock progressif. Et pareil pour ce qui est Rock in Opposition. Enfin, il y a beaucoup de chapelles qui s'attribuent cet album-là. Et c'est pas surprenant dans la mesure où, effectivement, il est un peu entre les lignes, quoi. C'est pas non plus... complètement inconventionnel, mais c'est vrai qu'on est surpris à droite. Moi, ça me fait beaucoup penser à Escalator Over the Hill de Carl Abley, ce côté de raconter une histoire, mais en se permettant un petit écart vers la pop à droite, un petit écart vers des musiques plus orchestrées à gauche, un petit écart un poil expérimental, tout en restant quelque chose d'extrêmement accessible et assez facile d'oreille et très riche. Bon, on va s'écouter... Le titre d'introduction, parce qu'il s'appelle Good Evening et que je dis souvent bonsoir, donc je trouve que ça faisait sens. Et juste après, le titre Pipeline, voilà, histoire de vous rentrer un peu dans la couleur de cet album-là. Et puis on en parlera juste après. Tu vas voir, le Pipeline, c'est une des thématiques justement de cet album. Bon, mais c'est parti. Good Evening, suivi de Pipeline, donc c'est tiré de l'album Q-Roan. Oh, four dimensions. See figure D. Voilà, c'était Pipeline pour vous donner un petit avant-goût de ce qui se passe musicalement dans cet album Q-Rone. Je vous parlais des... je vais continuer ce que je disais, d'ailleurs, l'historique. Donc en 75, donc, c'est la fin de la fusion Henry Kaus-La Papie, donc Peter Plegwad qui part aux États-Unis gagner sa vie comme illustrateur où il ne bosse pas pour Peanuts. Apparemment, c'est une fausse info que j'ai eue. Il n'y a qu'un seul auteur dans Peanuts. Autant pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et du reste, l'œuvre picturale de Peter Plegwad est assez reconnue, comme Jérôme pourra nous en parler tout à l'heure. Toujours est-il que, pendant cette période de fusion, les deux musiciens se sont plutôt bien entendus. Peter Plegwad, qui est guitariste, enfin auteur, compositeur, chanteur et guitariste, et John Greaves, qui est compositeur lui-même et bassiste. Les deux musiciens s'entendent plutôt bien, et en 76, John Greaves rejoint Peter Plegwad pour initier un projet commun, le tout sous la sainte protection et financière et artistique de Virgin, qui est toujours assez étrange de dire ça, mais vraiment, quand on repasse dans les années 70, Virgin est un label hyper aventureux et qui vraiment prenait des artistes expérimentaux sous sa coupelle, leur lâchait de l'argent, de la résidence, des conditions de création de fou comme pouvaient en avoir les artistes de variété. Et donc c'est le cas de ces deux larrons qui, après avoir parlé de leur projet à Virgin, ok, c'est parti, pas de problème, ok, vas-y, pars aux États-Unis, va rejoindre ton pote et faites-vous 3 mois de composition, création, résidence, on vous finance tout ça, il n'y a aucun problème. Donc c'est parti, ils se rejoignent là-bas et écrivent ce qui va devenir donc cet album-là, Q-Rone. Moi, je suis pas très très anglophone, mais je vais vous parler un peu des paroles parce que c'est quelque chose qui est important dans cette œuvre-là. Stephen Stapleton, du reste, lui, était anglophone, donc a dû être touché par ça. Parce que la démarche de Peter Plegwad, pardon, toujours du mal à le dire, ça démarche en tant qu'auteur dans cette œuvre là, c'est ok, John, tu m'écris de la musique expérimentale assez chiadée, j'ai même parfois du mal à jouer en tant que musicien, pas de problème, je vais moi-même être hyper expérimental au niveau de mon écriture. Et donc il y a des anagrammes, des palindromes, des jeux de style tout au long de cet album que je serais incapable de vous délivrer, mais pour les anglophones, vous pouvez aller voir les textes, il y a des phrases en palindrome qui sont assez impressionnantes, qui se lisent dans les deux sens, palindrome. Donc c'est vraiment... C'est ça la démarche de Peter Plegwad, et quant à l'histoire que ça raconte, bah là, il faut se référer à la pochette, en fait. La pochette, c'est un tableau de Charles Wilson Peel qui s'appelle Exhuming the First American Mastodont, exhumer le premier pipeline américain. Et effectivement, ce tableau représente des fouilleurs, des archéologues qui exhument justement, qui sortent de terre un pipeline géant. Et c'est tout ça que raconte Q-Rone. D'ailleurs, je n'ai pas précisé. Pourquoi Q-Rone ? Ben, je ne sais pas du tout. Q, c'est un quartier, c'est un district à Londres. Et Rhône, c'est écrit comme le fleuve, c'est le Rhône. Donc ça raconte l'histoire du Rhône de Q. Et en même temps, ça raconte des histoires de pipeline. Et tout un propos consistant à dire que c'est dommage d'avoir exhumé ce pipeline jusqu'au bout, parce qu'en fait, quand on n'en voit qu'un morceau, on peut imaginer plein de choses, et que c'est extrêmement dommage de voir les choses dans leur entièreté, parce qu'on les définit, en les définissant, on leur enlève toute leur magie, toute leur capacité de nous faire déployer notre imagination. C'est un petit peu ça le propos qui est raconté dans cet album-là, et tous les titres racontent un petit peu ça, et notamment les phrases en palindrome qui est complètement folle, qui parle justement de l'auteur Peel, et qui raconte. Enfin, c'est assez dingue. J'ai lu ça cet après-midi, c'est assez fou. Je vous conseille vraiment la lecture de ces paroles. Et c'était vraiment le délire de Peter Blegvad, qui est du reste illustrateur. Donc il y a non seulement une pochette, mais il y a un livret intérieur. Et lui, il a vraiment écrit les paroles et illustré les paroles de manière à ce qu'en fait, quand t'écoutes, t'es obligé de stopper la musique pour bien te concentrer sur le dessin qui correspond aux paroles, pour bien comprendre où est-ce qu'il veut en venir. Donc c'est vraiment un album qui s'écoute, qui se lit. C'est, j'ai presque envie de parler de plusieurs médias, mais presque du multimédia. Et pour aller jusqu'au bout, sur tout début des années 90, ils ont ressorti cet album-là en CD avec un CD-ROM qui s'appelait Q-ROM, du coup. Et permettant de faire cette expérience de façon multimédia. Ça a été conçu pour ça. Est-ce qu'on serait pas un peu dans l'anticipation? Parce que, après, je sais pas, ça doit être peut-être une version après coup, une interprétation après coup, mais je pense avoir trouvé ce pourquoi ça s'appelle Q-Run. Parce que quelles sont les initiales? KR, ouais, voilà. KR, et puis après, ben, y a tout le multimédia, c'est le QR code, en fait, qui était avant l'heure. Oh. Je pense qu'ils ont, prémédité avec sagesse le QR code qui allait advenir. Ah bah mince alors, bah, tu vois, c'est comme le pipeline, je préférais quand c'était un peu enterré, qu'on voyait pas tout. Souterrain. On va s'écouter... Qu'est-ce qu'on va s'écouter ? On va s'écouter trois titres enchaînés. Allez, c'est parti. Parce que vraiment, je le dis assez souvent, mais c'est encore le cas pour ce Q-Run. C'est vraiment une gageure de faire de la radio, de parler de ces albums-là et de devoir extraire des titres. C'est vraiment un truc qui s'écoute dans son entièreté, qui raconte vraiment une histoire. C'est un concept album, ça a été écrit comme ça. Donc là, j'ai fait le choix de vous mettre trois morceaux d'affilée qui sont d'affilée dans l'album, histoire de bien s'imprégner de la couleur. Ce serait que de moi, je vous aurais mis l'album en entier. C'est une petite merveille, ce Q-Run. Je connaissais déjà avant de voir que ces messieurs étaient dans la liste. Et c'est vrai que c'est un album qui s'écoute d'une traite, qui est beau, fascinant, qui est... Il y a ce côté expérimental sans être inaccessible, au contraire. Il y a toujours ce côté un peu pop, les voix, Lisa Herman et Peter Blegvad et tous les accompagnants. Oui, Jérôme ? Est-ce qu'il a un petit goût de noisette ? Il a un petit goût de noisette. Ouais, tout à fait. Il y a un petit peu de banane aussi. Il y en a un petit peu. Cet album a été enregistré parce qu'une fois qu'ils ont fini la composition, ils ont été voir une copine de Peter Blegvad qui s'appelle Carla Bley. Ouais, salut, il paraît que t'as un studio. Carla Bley et son copain Michael Mantler ont dit bah oui, pas de problème, on a un studio, allez donc enregistrer votre Q-Run là-bas. Et du reste, Carla Bley et Michael Mantler font partie en tant que musiciens de cet album-là. Ce qui, pour moi, met encore plus en avant le fait qu'il y a vraiment un cousinage entre l'Escalator Over the Hill de Carla Bley et cet album-là. Enfin, je trouve. En tout cas, point commun d'être deux albums extrêmement réussis. On va s'écouter donc les titres Catalog of 15 Objects and Their Titles. Donc, catalogue de 15 objets et leur nom. C'est justement, voilà, les objets exhumés, ça y est, on leur donne un nom. Et, vous retrouvez un peu ce que j'ai essayé de vous raconter tout à l'heure. Le morceau suivant s'appelle One Footnote to Q-Run, une petite note de bas de page, un petit addendum, donc, mais qui est en plein album. Et on termine cette trilogie par Sweet Tenses Onanism. Allez, c'est parti, donc... une petite dizaine de minutes de Q-Run dans nos oreilles pour notre plus grand plaisir, non vraiment autre chose. Cylinder of dust, salt cross with a crust of iodine, plank of pine, loaf of rust, hollow cone of tobacco, which contains a tobacco. Angels, come and shine bright. sang, a song began. Some guy clobbering a gong, and further J. Arthur rang. Swing for Wang, jack off. Some brass arising, some guy lies. A raft as flat mast down as that. Sweet and Seas Organism, c'était donc John Greaves, Peter Plegvad et Lisa Herman. Je tiens quand même à la. La cité, elle apparaît pas sur la liste, et pourtant, après avoir écouté 5 titres de cet album, on est obligé de se rendre compte que sa voix y est pour beaucoup dans la personnalité de ce Q Rone. Voilà, Guénolé, tu avais un message à faire passer. Oui, je vais. Tout à fait. Je souhaitais vous dire salut parce que je m'en vais. C'est l'heure de la nuit, donc c'est la voix de la nuit. On n'est pas sur FIP, mais sur Radio. Et je vous quitte, mais bon, on se retrouvera tout bientôt sur les antennes de Radio. Sur vraiment autre chose. Ah, je dégouline devant autant de suavité. Ah, c'est suave, c'est beau, c'est waouh. Wow. Merci pour ce petit moment. C'était un peu trop intime. Hein, si je suis un petit peu gêné. Waouh, c'était presque charnel. C'est waouh. Merci beaucoup. Glamour, voilà, c'était glamour. C'est bien cherché. Oui. En tout cas, ravi d'avoir fait cette première émission avec toi, Jérôme. C'était chouette. Plaisir. Et je vais pas écouter une chanson avant de m'endormir de l'album dont tu as chroniqué. J'ai peur de faire des cauchemars parce que voilà, on est des grands adultes, mais bon, on reste des petits enfants devant cette musique. Allez, bisous. Au revoir, petit enfant. Oui, bisous. Ben moi, je reviens à mes non pas à mes cochons, mais à mes moutons. Ciao. Avec ce Q-Rone. À bientôt, camarade. Merci beaucoup. Ce Q-Rone qui, donc, je ne l'ai pas précisé, il sort en 1977, en mars 1977 chez Virgin. Il a la particularité de sortir sur le même label et le même jour que Nevermind the Bollocks des Sex Pistols. Et je dirais pas qu'il y en a un qui éclipse l'autre, mais ce Q-Rone n'a pas rencontré un franc succès. On est en 77 et déjà une grande partie du public britannique en est un peu revenu de toutes ces musiques un peu compliquées, un peu écrites, et a peut-être plus envie d'un propos direct. C'est un peu la fin d'une certaine façon de faire du rock progressif, très écrit, très grandiloquent, très je joue dans des stades, etc. Il y a un moment où cette musique devient tellement le mainstream de l'époque, les Genesis, les Yes, les groupes comme ça, deviennent tellement le mainstream radiophonique et scénique que forcément le public en quête d'un underground ne va plus le chercher là, il va le chercher ailleurs. Et c'est un peu la fin du rock progressif. Et justement la naissance de deux mouvements, du mouvement Rock in Opposition, qui est une espèce de refus du rock progressif, mais non seulement en allant, comment dire, en remplaçant les influences jazz, les influences nord-américaines par des influences européennes et classiques, notamment des Stravinsky, des Shostakovich, des compositeurs comme ça quoi. Très influencé le mouvement Rock in Opposition, ça c'est la première réponse, la réponse par la complexité. Et il y a une deuxième réponse qui est la réponse par la simplicité, qui est le punk en fait, qui est la musique punk, qui revient à la base du pop, mais avec un son un peu plus crade, avec une énergie beaucoup plus puissante. Et c'est l'arrivée des Sex Pistols, et c'est vraiment ça qui, pour le coup, remporte l'engouement du public. Ce Q-Run passe complètement à la trappe, se vendra très peu. Et comme pas mal d'albums dont on a parlé dans cette Nurse with One List, faudra attendre les années, que les années passent pour que des gens écoutent, réécoutent et finissent par reconnaître cet album, les qualités qu'il a, à savoir un petit bijou, un véritable petit bijou. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jérôme, si tu connaissais. Je connaissais pas. C'est très joli. Ouais, c'est ça. C'est très joli. Ça rassemble beaucoup. Il se passe beaucoup de choses assez différentes. Effectivement, on comprend que les chapelles comme le free jazz, le rock progressif, le rock in opposition s'approprient cet album-là parce qu'il va de façon très subtile naviguer entre ces mouvements. Et voilà, que dire de plus que maintenant c'est un album connu et reconnu et qui fait date et qui. Si vous allez sur le Wikipédia de cet album, vous verrez qu'il y a beaucoup de d'éminents chroniqueurs qui considèrent que c'est un des 10 meilleurs albums de Ah oui, rien que voilà. Ça. Oui, c'est vraiment. Ouais. C'est un album qui maintenant, de nos jours, est considéré comme un album qui a fait date. Et c'est vrai que c'est un album qui a fait date. Moi, à titre perso, ce type de propos, j'aurais tendance à le préférer chez Enrico, qui est un poil plus abrasif, un petit peu moins rond. Mais il n'y a rien à dire, cet album-là, il a son lot de surprises, il est très agréable à l'écoute, et d'ailleurs on va s'en écouter un petit dernier titre qui s'appelle Apricot, pour finir cette... On finit sur Note de fruits. Voilà, bien vu, voilà, tout concorde. Very early I clearly realized the pleasures of seeing and song. I learned to sing at an early year. In the cot I recall my singing about a certain thing I saw. I recall a song in the key of C, concerning a thing seen just so. I sang A-P-R-I-C-O-T, abbreviated to tame perfect realization in a cot. I sang cot contains certain shining irreducible contributions. So does the Ferris wheel gondola. We'll be right back. us, for seeing through, not with us. I am not I when I see another. Words devised to peep into the gaunt or coming were shunned by me. I referred to a single moment. Early in a clearing, I recall my singing songs of my seeing things just so. I sang a nether gem at every node, in each all of the shining show. Whole kitten caboodle, fed by an apricot's golden glow. Et voilà, c'est ainsi que s'achève, non pas cette émission, il reste encore, restez à l'antenne hein, de Radio Radio. Comme d'habitude, on fait des émissions qui font plutôt dans les 2h30, 3h. Mais en tout cas, c'est ainsi que s'achève cette petite présentation du Q-Round. Donc voilà, John Greaves, Peter Blackwad et Lisa Herman, et d'autres musiciens d'ailleurs qui ne sont pas crédités. Je vous ai parlé de Carla Bley, de Michael Mantler tout à l'heure. Ben, je crois que je ne vais pas vous répéter que cet album est magnifique, mais oui, cet album est magnifique. Je vous invite à le découvrir ou à le redécouvrir. Et je te laisse la parole, Jérôme. Oui, ben moi je vais faire une transition, parce que tout à l'heure tu parlais de la sortie de cet album qui était le même jour que celui des Sex Pistols. Et ben moi je vais plutôt aller dans le sens du punk, ou du punk, comme le disait Monsieur Bouvard. Je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle les Glaxo Babies. Alors, qu'est-ce que c'est que les Glaxo Babies? Si vous êtes un tantinet anglophone, vous me direz Babies, c'est des bébés, mais Glaxo, qu'est-ce que c'est? Alors, Glaxo, c'est le nom d'une firme pharmaceutique anglo-saxonne anglaise, je crois, et qui qui existe encore, hein, mais qui a été utilisée par ce groupe. Puisque, anecdote morbide, c'était le producteur d'un vaccin qui a intoxiqué un tas de gamins au début des années 80 ou fin des années 70. Donc voilà. Sur cette note joyeuse, donc je vais vous parler de ce groupe qui s'est formé en 77, qui s'est séparé en 1980. C'est un groupe qui vient de Bristol. Alors Bristol, c'est une ville au sud-ouest de l'Angleterre, qui est de l'autre côté du Pays de Galles, en gros, donc un petit peu à part. De Bristol, on ne connaît pas beaucoup de groupes, à part The Pop Group, dont tout à l'heure, je crois, Nico parlait dans son interview, parlait de Good Missionaries, qui avait fait une tournée avec eux. Et puis, il y a d'autres groupes comme Maximum Joy, bref, il n'y en a pas énormément là-bas qu'on connaît. Moi, j'ai un morceau que j'avais trouvé sur une compile qui date de 79, qui s'appelle Haven Calling, qui était une compile de groupes locaux avec justement un titre de Glaxo Baby dessus, qui était un peu dans la veine du punk des débuts, du punk rock un peu court, un peu barré, un peu on va tout péter quoi. C'était un peu l'esprit du moment, parce que c'était une période assez difficile, hein, les années la fin des années 70 au Royaume-Uni. Et puis l'intérêt de ce groupe, les Glaxo Babies, c'est qu'ils se sont assez diversifiés, dans le sens où ils sont pas partis directement dans la veine, ils sont pas juste restés à faire des chansons un petit peu punk concon. Et on changeait un peu les choses et sont partis dans une veine un peu funk, no wave, un truc un peu américain, quoi, en gros. Moi, ce que je voulais vous faire écouter pour commencer, c'était Christine Killer, qui est donc leur premier single, qui avait une face B qui était assez intéressante comme nom, puisqu'il s'appelait Nova Bossa Nova, donc qui veut dire nouvelle vague. Donc voilà, donc il y avait ce morceau Christine Killer, qui est l'histoire d'un fait divers, en gros, de cette femme. Qui est parti à la capitale, qui a rencontré des gens influents, et puis qui est devenu le fait divers d'une affaire de prostitution qui a enchaîné jusqu'à devenir, je crois qu'il y a un des membres du parti conservateur qui a dû quitter ses fonctions après cette histoire-là. Donc voilà, si on peut juste écouter celle-là, et puis après je reparlerai un peu du reste. Donc je pense que c'est Christine Keeler, Glasgow Babies, 1979. Voilà. Shape to shape, oh so exclusive, oh so elite, oh so daring, oh so discreet, so discreet, but not so discreet. And here comes Harold Macmillan, here comes Alec Douglas Hill, here comes the Cuban crisis, here comes the overdose. Another day, another alibi. Mr. X, Mr. Y, this line has been censored. You've never had it so good, good. You've never had it so good, good. You've never had it so good, good. So good. So good. Il est 23h sur Radio Radio et vous venez d'écouter Christine Keeler par les Glaxo Babies. Pardon. Donc oui, je disais tout à l'heure, Glaxo Babies, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un groupe qui a vécu très peu de temps, puisqu'ils se sont formés en 77, se sont séparés en 1980, se sont reformés en 1985 pour se séparer en 90. Je crois même qu'à la fin de leur existence, il y avait des membres, il y avait le fils d'un des membres initiaux du groupe qui était dans le groupe aussi. Honnêtement, il y a un album ou une compilation qui a été sortie par Cherry Red Records qui s'appelle, c'est un nom impossible, c'est le Potluck, je sais pas quoi. Bref, ça vaut pas la peine d'aller chercher, c'est pas génial ce qu'ils font à ce moment-là, mais il y a deux albums après ce single qui sont, le premier s'intitule Put Me on the Guest List, donc mettez-moi sur la liste d'entrée s'il vous plaît, et puis l'autre plus tard qui est aussi sorti en 1980 et qui s'appelle lui Nine Months Before Disco, voilà. Donc, pour résumer un petit peu les influences de ces jeunes gens, on va dire que c'était un début de groupe punk qui, en fait, s'est vite transformé avec des tendances funk, des morceaux assez longs pour l'époque, puisque le punk, c'est quand même à 1 minute 30, et eux, ils ont pas mal de morceaux aux alentours de 4 minutes. Donc, quand même un truc un petit peu de mélanger la musique... de trois accords assez rêches avec des espèces de mélanges atmosphériques psychédéliques. Un truc du début des années 80 qu'on retrouve pas mal du côté de chez Flying Nun en Nouvelle-Zélande, des espèces de petits schémas de chansons pop psychédéliques et punk en même temps. Voilà, ça c'était ce qu'ils ont fait comme album, et ce que je peux faire de mieux, c'est de vous passer un autre morceau. Alors le truc, c'est que voilà, les albums qu'ils ont sortis ont une certaine progression qui est assez intéressant, surtout le dernier qui s'intitule Nine Months Until Disco, attendez que je dise pas de bêtises, pardon, Nine Months Before Disco, et je pense que cet album là il vaut la peine d'être écouté en entier, donc je vais vous passer un morceau, mais bon. Voilà, et puis celui d'avant, pareil, commence par un truc assez punk, assez direct, et qui au fur et à mesure part dans des directions un peu différentes. Moi, ce que je vais vous faire passer maintenant, c'est Burning, qui est donc de ce deuxième album. Voilà, et puis après, je pense qu'on passera avec Stay Awake, qui est sur le deuxième album, parce qu'il est tard. Voilà, c'était le thème. Je vais finir par une chanson qui s'appelle Stay Awake. Ce sera assez rigolo. J'en ai d'autres après, mais bon, on verra, parce que bon, ça commence à faire tard aussi. Bon, ben c'est parti alors, Burning ? Burning, s'il vous plaît. Thank you. Est-ce que vous êtes toujours réveillé? Il était une fois un plus que jamais cochon qui était tellement grand. C'est le retour du cochon. Ah, c'est clair. Tous les petits enfants. Voilà. Alors, mais oui, on est réveillé plus que jamais. Ça réveille ce Stay Awake et toute cette musique de Glaxo Babies. Exactement. Sinon, tu avais quelque chose à rajouter sur ce, groupe? Ouais, moi ce que j'ai, ce que j'en sais, c'est qu'après, ils sont partis dans différentes directions. Ils ont formé. Il y a un autre groupe qui a émergé de ça après, qui s'appelle Maximum Joy, qui est assez joyeux d'ailleurs. Et puis The Pop Group aussi, qui est un groupe un petit peu arty, on va dire, de Bristol des années 80. Voilà, donc à part ça, moi, comme je disais tout à l'heure, je vous recommande fortement d'écouter Nine Months Before Disco dans son intégralité. Vous pouvez l'écouter sur YouTube si vous voulez pas enfreindre la loi. Mais voilà, donc je vous le conseille chaudement parce qu'il y a plein d'influences assez intéressantes. Et puis pour quelque chose qui est sorti en 1980, je trouve que c'est chouette. Voilà. Ok, on s'écoute encore un titre ou... On peut passer à un autre titre, ouais, ça va être du deuxième album, justement, de cet album-là, Nine Months Before Disco, ça s'appelle Shake, entre parenthèses, The Foundation. Donc globalement, ils voulaient bouger les choses. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a été en leur faveur? Je ne sais pas. Shake. Alors moi, s'il y a quelque chose que j'aime dans la musique, c'est les fade-outs, je ne cesse de le dire. Et alors celui-là est magnifique. Hein. Démarre 20 secondes avant la fin du morceau, là, bon fade-out, bien long pour arriver au silence. Voilà, c'est toute la beauté des années 70, on ne sait pas comment finir un morceau. C'est aussi le dernier morceau de l'album, donc ça pourrait expliquer le truc. Ok, pour le coup ça a du sens, ouais, carrément. Eh ben, merci beaucoup. Ben merci les Glaxo Babies. Merci les Glaxo Babies. On va clore. Il nous reste encore pas mal de temps. J'ai pris un peu l'habitude. Enfin, je l'ai fait qu'une seule fois la dernière fois avec Luc Ferrari quand on était à la lettre F. Mais je trouve ça pas mal de finir ces émissions de vraiment autre chose par des compositions électro-acoustiques plutôt longue et plutôt éthérée. Ça va être encore le cas donc du coup pour cette 186e émission. On va parler de Ragnar Grip. J'espère que vous ne me prendrez pas en grippe. C'est nul. Excusez-nous. Je suis vacciné. Hein. Ah ben oui, c'est vrai, tu parlais des... Ben voilà, on parlait des vaccins tout à l'heure, des Glaxo Babies, des vaccins qui tuent les gens. N'y voyez là aucun rapport avec l'actualité, aucun propos. Non, pour le coup, en plus, c'est vrai. Et on passe dans la foulée à la grippe, c'est quand même assez fou. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Que dire sur Ragnar Grip? Il n'y a pas beaucoup d'infos sur Internet. Que c'est dur à dire, voilà, qui s'appelle Ragnar quand même, c'est un prénom suédois, monsieur suédois. Il est né en 1951 à Stockholm, mais violoncelliste. Il débarque à Paris en 1976 et il signe sur le label Chandar, qui est un label français assez ouf. Tu parlais tout à l'heure de Sarava. Les labels indépendants français étaient vraiment, vraiment dingues à l'époque. Et Chandar, eux, ont sorti tout ce qui était Sun Ra, Philip Glass, Terry Riley et musique minimale américaine. Et c'est assez surprenant parce que ce monsieur, Ragnar Grip, multi-instrumentiste, sort deux albums sur ce label, notamment l'album sur lequel on va s'arrêter qui s'appelle Sand, qui est une musique qu'il a composée pour illustrer une expo du peintre indien Vismadan Velu. Voilà, précisément. Et ce qui est assez marrant, quand on apprend un peu comment la genèse de cet album-là, c'est que ce monsieur n'a non seulement jamais foutu les pieds en Inde, mais en plus, il n'était absolument pas féru de musique indienne. Donc, il a écrit ce que ça lui a inspiré, le fait de faire de la musique pour une exposition d'un peintre indien. Donc, c'est une musique indienne, mais complètement imaginée par quelqu'un qui n'avait aucun des codes de ces musiques-là. Et ça nous donne un truc qui... Je sais pas, moi, pour moi, c'est de la musique électronique, mais qui est complètement... qui nous ramène complètement à la musique minimale américaine. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce monsieur-là, non seulement connaissait pas plus la musique indienne que ça, mais connaissait absolument pas les Terry Riley, Steve Reich et autres grands pontes de la musique minimale américaine. Et du coup, ben, un musicien qui fait de la musique électronique et sur des compositions qui font penser à de la musique minimale, qui elle était plutôt acoustique, peut presque parler des prémices de ce qu'on appelle maintenant l'électro-minimal. Mais vraiment. Et... un album qui serait presque avant-gardiste. Alors si on écoute ça maintenant, on va l'écouter tout à l'heure, hein, une longue piste de 25 minutes, c'est l'album Sand, qui est en deux parties, partie 1, partie 2, ça s'appelle. On va s'écouter la partie 1. Bon, pour les gens qui ont l'habitude de ce type de musique, vous me direz rien de nouveau sous le soleil. Ben, oui, effectivement, après si on se replonge à l'époque, en 1977... je crois que c'était quand même assez novateur justement d'utiliser cette façon de composer qui était celle de Terry Riley et Steve Reich, mais de l'amener du côté de la musique, des musiques électroniques. Et ça nous donne un album assez réussi. Alors encore, je ne cesse de le répéter, je vais me faire un t-shirt avec marqué dessus, cet album n'a pas marché, mais avec le fil des ans il est devenu culte. Mais ça, c'est vraiment le cas de ce Sand qui a été ressorti depuis. Et de cet album là beaucoup de musiciens actuel des musiques électroniques s'en revendiquent gaiement. Que dire de plus, ben, c'est l'œuvre d'un seul musicien. Il joue tous les instruments, donc il y a des orgues, l'harmonica, des maracas, de la guitare électrique, il y a un petit peu de bidouillage électronique, il y a petite minute légèrement noisy, vous allez voir, mais je vais pas vous spoiler tout ce que raconte ce Sand, S-A-N-D, donc le sable. C'est le, Deuxième album de Ragnar Grip, ça m'étonnerait pas que ce soit celui-là qui ait tapé dans l'oreille de Stephen Stapleton. En tout cas, il a tapé dans la mienne suffisamment pour vous me donner envie de partager avec vous les 25 minutes de la partie 1 de Send, donc avec lesquelles nous allons clore cette exploration de la Nurse with Wound List. Alors c'est parti. Bah, posez-vous, servez-vous un verre, roulez-vous un truc, je sais pas, faites ce que vous pouvez. Mais en tout cas, je vous conseille une attitude décontractée et ouverte d'écoute, parce qu'il y a un véritable voyage qui se passe dans la tête. C'est de la musique méditative, hein, si j'ose dire. Voilà, c'est pas de la musique qui s'entend, c'est de la musique qui s'écoute, comme pas mal des musiques qu'on diffuse ici. Et voilà, si vous vous laissez prendre, hein, ben un peu comme dans une méditation, si vous rentrez dans ce jeu-là, si vous arrivez à déconnecter un petit peu le corps, le cerveau, il y a des très très belles choses qui vont se passer pour vous ce soir sur Radio Radio. Allez, c'est parti. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bonjour les petits enfants! Bonjour et même bonne nuit, hein, les petits enfants. Ah, ils sont couchés, les enfants, là. Est-ce que tu en es vraiment sûr? Je le sais. Est-ce que tu as des informations fiables? Ouais, j'ai leur numéro de téléphone. Ah là là, les enfants ne sont plus libres, ils sont surveillés sans arrêt. Vous venez d'écouter vraiment autre chose, 185 au pied de la lettre, 17e édition. Nous avons parlé, nous avons exploré la Nurse With Wound List et particulièrement certains groupes et certains artistes, commençant par la lettre G. C'est le moment de l'interminable et inutile récapitulatif de fin d'émission. Néanmoins, si vous nous avez pris en cours ou si vous ne nous prenez que maintenant, sachez que vous avez manqué pas mal de choses très intéressantes. Et pour commencer, c'est Kenoulé, je crois, qui a commencé, qui nous a présenté Ron Gizin, artiste électronique, on va dire, pour résumer très vite, mais multi-instrumentiste aussi. On a écouté des choses plutôt légères et joyeuses, des choses un poil plus sombres, tirées de l'album As He Stands, sorti en 1976. Ensuite, c'est toi, Jérôme. Oui, moi je vous ai parlé de l'album du grand Magic Circus qui s'intitule Le grand méchant cochon et les trois gentils petits loups. Voilà. Ensuite, c'est Nico depuis l'Outre-Quiévrin et depuis, par une petite chronique qu'il avait enregistrée, qui nous a présenté The Good Missionaries. Par la suite, c'est moi qui ai pris la parole pour vous présenter le Q Round, un magnifique album donc de John Greaves, Peter Blackvad, merci. Et Lisa Herman, rendons-lui grâce, elle n'est pas dans la liste, elle est sur la pochette de l'album, et puis sa voix est pour beaucoup dans l'identité de cet album. Et ensuite, c'est toi qui as repris la parole, Jérôme. Oui, j'ai parlé des Glaxo Babies qui ont fini un petit peu en disco, on va dire, hein, gentiment. Ah, c'est clair que ouais, l'album Nine Months Before Disco, ouais, finalement, ouais. Très, je le recommanderai jamais assez. C'est une belle expérience. Carrément. Et on a terminé avec une autre expérience très belle. C'était l'album de Ragnar Grip, sorti en 1977, qui s'appelle Send. On s'est écouté la face A, la piste 1. Et voilà, la face 2, piste 2, et à peu près du même tonneau et tout aussi recommandable. Oui. Eh bien, il est temps pour nous de vous souhaiter une bonne nuit. Ça fait 2h52 que vous nous écoutez. Merci d'être encore à l'écoute de Radio. Si vous ne fermez pas le poste à la fin de Vraiment Autre Chose, vous aurez l'occasion d'entendre des très très belles choses à venir dans le cartoucheur. Là, je vois Emerlis Davjak, Spirit, Vialka, Electric Masada, ZX, Radical Satan. Il y aura même du gong là dans une bonne heure. Donc voilà, restez donc à l'antenne des programmes de Radio. Et en tout cas, nous on vous retrouve avec plaisir dans la semaine prochaine si tout va bien pour continuer à explorer cette Nurse With Wound List. Bonne nuit à tous, bonne nuit Jérôme. Ouais, bonne nuit tout le monde, bonsoir.